qui nous suit depuis le début. Pour ceux qui découvrent, c'est que le début. Les cités d'or, psychiatre de la rime, vient honorer les sacrifices de père, mère, plus encore. On est là, Sopra Lange, Vintia. On souhaite à vos familles les bons choix, Inch'Allah. Les cités d'or, t'es là. Bienvenue en Cosmopolitanie, là où des familles de diverses cultures sont réunies pour un rami. Malgré le manque d'économie, tu verras toujours des darons régler des problèmes de gastronomie. On se contente de peu même si le banquier fait la gueule. À trop regarder le soleil, on en devient aveugle. Même si le luxe ne tapisse pas nos murs, tu trouveras dans nos gestes de l'amour. Je rappe la proximité, tu sais de loin tu peux pas aimer. Je suis la mise à jour de mon quartier. Je le vois mourir puis renaître quand les frères viennent à se marier. Oula, ils sont trop beaux nos héritiers, on a du mérite. Même dépressifs sans résine, on donne le respect. Si ça va durer, Dieu seul sait. Mais moi on a la chair de poule. Les cités dansées, vous. Les cités dansées, les cités dansées. Réels comme nos problèmes, on ne vendra pas de rêves. Nos valeurs nous élèvent pour nos cités d'or. On redit la fierté de toute une jeunesse. Pour nos cités d'or. Jamais rien lâché, négro aiguisé. Pour nos cités d'or. Les cités d'or, des fondations dorées. À l'image de leur quartier riche d'expérience. Hommage aux piliers de nos cœurs, en vie ou déjà décédés. À ces moments très forts qui font ce que nous sommes. Enfants de quartier, enfants éduqués dans le respect, la bonne humeur. Si tu savais, enfants du top 50 des clubs Dorothée. À l'abri de rien, c'est ce qu'on dit quand on grandit. Alors qu'il suffisait de rien pour qu'on s'éclate tout petit. Les cités d'or sont des lieux cultes, t'imagines même pas. Une mine d'or où on t'inculte des rêves qui ne s'achètent chez pas. Chez moi, ceux qui n'ont rien sont ceux qui donnent le plus. Ma mère fait des festins en faisant des courses au plus. Vos maillons peuvent chez nous, forme des chaînes en titane. Et dans nos terrains de foot, tu verras des Ribéry Zlatan. On garde la mentalité du bled, car pour nous la famille ça finit pas dans une maison de retraite. Je vais honorer l'éducation d'une famille pauvre. Réels comme nos problèmes, on ne vendra pas de rêves. Nos valeurs nous élèvent pour nos cités d'or. On revient la fierté de toute une jeunesse. Pour nos cités d'or. Toujours motivés, jamais rien lâcher. Négro aiguisé. Pour nos cités d'or. Les cités d'or, des fondations dorées. À l'image de leur quartier riche d'expérience. Baby baby, A-L-O-N-Z Y-Z. Mets-toi hijab, lady. La foi efface les casiers judiciaires. On se range net. Ouvre un commerce, fais l'euro proprement sans trisquer. Baby baby, même rempli de dettes, tout se fait. Sur ma mère, faut pas nous diviser. Comme la ligne 26, faut qu'on gère, qu'on se projette. Énorme le potentiel, faut l'utiliser. Inquiète, car on montre que le mauvais côté. Mais si mon pote charbonne, c'est pour rendre le bonheur qu'on lui a donné. Ici, on vit des bons moments comme l'escadrille. Mauvaise bonne maman, t'as pas besoin de super nanny. Si t'es une daronne, née avec un grand cœur, c'est que t'as comme la nôtre, un truc à part, un corps rempli d'or. Peu importe où t'es, escucha mami. Les cités d'or, et c'est à qui qu'on prenne des paris. Réels comme nos problèmes, on ne vendra pas de rêve. Nos valeurs nous élèvent pour nos cités d'or. On revient la fierté de toute une jeunesse. Pour nos cités d'or. Toujours motivé, jamais rien lâché. Les cités d'or, des fondations dorées. À l'image de leur quartier riche d'expérience. La cité, c'est les cités d'or. C'est les cités d'or. Bienvenue dans notre décor où les couleurs se mélangent. Aucun drapeau nous dérange, frérot. Enfant de quartier, peu importe d'où tu viens, qui tu es. Alonso, Vince, Sopra Cia. On vient représenter la